Chapitre 18e. Confession sans concession. Plus de malaise entre Michaud et moi. La confiance règne, et cela nous redonne goût à l'ouvrage. Serge sait maintenant quelle partition jouer avec moi. Vers 18h, je passe la tête dans le bureau de Michaud. Bon, je m'en vais, mais auparavant je passe chez Cassard. Tu avais raison, je vais tout lui balancer, et tant pis pour ce qui arrivera. À demain, je te raconterai. Une série de messages vient d'arriver et Michaud en prend connaissance. L'arme qui a tiré la balle est bien une arme de service. Les rayures sur la balle correspondent à un numéro qui n'a rien à voir avec celui du pistolet de Volpi. Ça vaut mieux comme ça. De plus, la balle tirée dans le crâne ne correspond pas aux munitions réglementaires. C'est une balle fabriquée maison et dont le bout a été creusé de stries profondes. De toute évidence pour faire plus de dégâts dans la cervelle. Elle est ressortie du crâne après y avoir fait un ravage. Elle révèle donc une préméditation diabolique. Pour Michaud, ça ne colle guère avec ce que l'on sait pour l'instant de Vergnieux, personnage apparemment vindicatif et impulsif, que l'inspecteur imagine mal en train de couler patiemment une balle et l'allumer soigneusement. Ça explique aussi pourquoi les balles de Volpi n'ont pas été volées. L'assassin n'en avait pas besoin puisqu'il fabriquait des produits maison. Ça confirme également l'idée que le flingue utilisé n'est pas celui du commissaire. Volpi s'est affolé pour rien. C'est bien beau tout ça, pense Michaud. Mais si on retrouve la déesse, on va peut-être y trouver la balle du Beretta 9 mm de Volpi. Ils font donc au moins le juge soit au courant du coup de feu sur Vergnieux avant que tout ne s'étale au grand jour. Ça y est, j'ai entamé mon chemin de Canossa. Une fois dans le bureau de Cassard, j'ai d'abord demandé à lui parler en privé et le greffier Chotard a dû sortir. Il l'a fait en tirant une gueule de 15 pans et m'a évité, comme si je puais des pieds. Je me suis assis en face du juge et lui expliquai calmement, mais à voix basse, les tenants et aboutissants réels de l'affaire, et de quelle manière j'y suis lié. J'ai commencé par « Voilà, monsieur le juge, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. » Les coudes sur le bureau, Cassard écoute. Au fur et à mesure, sa tête s'enfonce dans ses épaules. J'ai fini par Je sais que c'est difficile à avaler, mais je pense honnêtement que n'importe qui à ma place aurait agi de la même manière. Je voulais être sûr de ne pas me tromper. Quant à l'assassinat de ma femme, convenez avec moi que déballer grand jour l'affaire aurait été un fiasco, et Gelmar n'aurait même pas été inquiété. Vous reconnaissez tout de même, Volpi, que vous avez eu des idées de meurtre. Bien sûr, je ne m'en cache pas. Mais vous vous doutez bien que j'aurais agi de façon plus secrète si j'étais passé à l'acte. Sans vouloir me vanter, j'aurais été capable de plus d'ingéniosité. Mais justement, Volpi, une certaine gaucherie pouvait faire partie de votre plan. L'emploi de l'imparfait au lieu du présent montre que Cassard n'envisage pas réellement la culpabilité, et c'est rassurant pour la suite des événements. Cassard se balance soudain d'avant en arrière sur son siège de bureau, indiquant qu'il en sait suffisamment. Il garde ensuite le silence. Je suppose que je vais être dessaisi de l'affaire. Dis-je à voix basse. Le juge replonge subitement sur son bureau. « Justement pas, Volpi. Qui d'autre que vous est mieux à même de mener cette affaire à bien ?»« Oui, mais l'assassinat de votre femme et de votre fils restera un secret entre nous, et c'est tout. Relativement à l'affaire d'Algérie, il me semble que vous êtes plutôt en posture de victime potentielle, par vengeance, que comme un assassin probable. Que comptez-vous faire, Volpi ?» Je mets le juge au courant des derniers prolongements de l'enquête. « Vous voyez, Volpi, j'ai l'impression que nous allons tomber d'une enquête dans une autre. Le Gelmar et le Vergnieux m'ont tout l'air d'appartenir à un réseau de malfrats qu'il va falloir démanteler. C'est pour ça que je tiens à ce que vous continuez à vous occuper de l'affaire. Justement, vous parliez de réseau. J'ai quelquefois le sentiment que je suis la cible d'un complot qui essaye de me mettre un meurtre sur le dos. » Vous allez dire que je suis complètement paranoïaque, mais il y a quand même pas mal de coïncidences qui me font penser que je ne suis pas si fou que ça. Quelqu'un qui est très au courant de mon passé a essayé de me faire passer pour le meurtrier de Gelmar. Et actuellement, j'ai l'impression que la peau de Vergnieux ne vaut pas bien cher et qu'on va mettre aussi sa mort à mon actif. Ce n'est pas bête, votre théorie, mais vous devez bien avoir une idée sur la personne qui pourrait être à l'origine de ce complot, comme vous dites. Eh bien justement, je ne vois pas qui. À moins que ce soit une grosse pointure du milieu suite à l'affaire de Lestac. Ce sont des malfaisants, certes, mais en règle générale, ils utilisent des méthodes moins théâtrales et plus directes. Allons, laissez ça de côté, et continuez votre enquête comme si de rien n'était, et nous verrons. De toute façon, vous avez bien fait de me parler de vos problèmes. On aurait de la chance si on retrouvait cette déesse, et encore plus si on peut mettre la main sur Bernieux. Il faut lancer un avis de recherche. Les seuls renseignements qu'on ait sur Bernieux datent de l'armée. Il ne paye certainement pas d'impôts, n'a plus de permis de conduire, n'a pas de domicile fixe. Il va falloir faire le tour de tous les clandés qu'il fréquentait et le marquer à la culotte. Et ce Mertens, pour lui c'est pareil. Sauf que je suppose qu'il doit être un citoyen plus rangé. Son nom et son prénom devraient suffire à le retrouver. Je me lève pour prendre congé, très content que les choses se soient passées ainsi, et surtout que Cassard ne m'ait pas pris pour un parano complet. Au moment où j'ai tourné les talons, Cassard me fait signe de me rasseoir. « Vous êtes sûr que vous n'oubliez rien ?» Je lève les sourcils au plafond en signe d'étonnement. « Vous n'avez rien à me dire concernant l'arme du crime ?» J'ai eu un coup de fil embarrassé d'un de vos collègues de Marseille. « Pour ne rien vous cacher. » Vous voyez ce que je veux dire ?« Oh putain, je ne suis pas sorti de l'auberge. » Et voilà, ça se passait trop bien. Dans un dernier effort, je termine ma confession en avouant la substitution de l'arme. « Mais qu'est-ce que vous espériez, Volpi ? Vous croyez que ce détail aurait pu passer longtemps inaperçu ? En tout cas, je m'aperçois que je n'ai pas que des amis parmi les collègues. Détrompez-vous. Votre collègue qui m'a téléphoné l'a fait pour vous protéger, car il a subodoré que vous étiez en train de vous mettre dans un merdier monstre. À aucun moment il ne l'a fait dans le but de vous nuire. D'ailleurs, il m'a fait promettre de vous aider et non pas de vous soupçonner. » Ma première réaction est de douter de l'intention du cafteur et d'entamer une poussée paranoïaque, mais finalement, je respire un grand coup et décide de laisser redescendre cette pensée au niveau du ventre. « Il y a encore autre chose que vous me cachez, Volpi. Le billet trouvé sur le mort. Allez, continue, achève-moi. » Je baisse la tête et ne dis rien. Je sors de mon blouson le sac en plastique contenant la preuve. J'attends la suite, j'attends le coup de grâce. « Non, non, gardez-le, » fait Cassard. Figurez-vous que le légiste est aussi un de mes amis, et de longue date. Il n'a aucun, vous entendez, aucun secret pour moi. J'étais prévenu bien avant vous de ce détail. Les empreintes, la calligraphie, tout m'a fait rejeter cette preuve et me l'a fait mettre à la rubrique bidonnée. Alors c'était un test. Exactement. Depuis le début, j'attendais que vous allongiez, comme on dit dans le jargon. Que me conseillez-vous de faire relativement à l'arme et au billet ? Le canard ! Vos collègues de Marseille n'ont pas très bien compris votre manip. Ils se sont simplement demandé pourquoi une vérification juste maintenant. Et pourquoi il n'y avait que sur votre pistolet qu'il y avait un problème. Mais je me suis renseigné. L'arme utilisée n'est pas la vôtre. Enfin, je veux dire, celle que vous avez eue en dotation. Et puis, rien ne vous dit que l'arme du crime sera retrouvée. Quant au billet, il ne vaut pas tripette. Mais je sais que vous savez qui l'a écrit. En tout cas, je vous conseille désormais de jouer franc jeu avec moi, sinon... Et le juge Cassard fait un geste de torsion des deux mains comme pour étrangler un poulet. À 19h30, je retrouve Sylvia et tous deux nous quittons Aix dans une voiture banalisée. Sur la route, je fais plusieurs haltes pour m'assurer que nous ne sommes pas suivis. Le retour à la ferme se fait sans encombre. La soirée se passe tranquillement, après les précautions que nous prenons désormais pour notre sécurité. Je raconte ma journée à Silou, sans rien omettre de mon entretien avec le juge. « Tu as bien fait, » me dit Sylvia. « Maintenant, tu es tranquille, et tu peux t'appuyer sur Michaud sans rien lui cacher. Tu devrais l'inviter que je fasse la connaissance. On ne sait jamais. Il pourrait me plaire, ce petit Lyonnais. » Vers 3h du matin, comme souvent, je me réveille sans raison. Cela m'arrive une nuit sur deux. Je peine souvent à me rendormir ensuite, et passe le reste de la nuit à me retourner dans mon lit. Depuis l'agression de Bernieux, je ne prends plus de somnifères au cas où j'aurais besoin de toute ma lucidité. Il y a une demi-heure que je suis réveillé, dans le noir complet, quand je perçois le bruit caractéristique de pieds nus qui collent après les tomates. Sur le qui-vive, je sens chatouiller contre mon oreille un souffle chaud. « Bello, tu dors ?» me murmure très doucement Sylvia. « Non, » dis-je tout aussi faiblement. J'ai entendu du bruit, derrière, du côté de la grange, comme quelque chose qu'on traîne ou qu'on frotte par terre. N'allume pas, je vais voir par la cuisine. Je me rends dans la pièce de l'arrière qui sert de cuisine. J'ouvre la fenêtre avec beaucoup de précaution et écoute la nuit. Je n'entends rien, mais reste une bonne dizaine de minutes à essayer de capter un bruit. Un chien au loin aboie. Finalement, je m'amunis de mon flingue et déverrouille le plus silencieusement possible la porte. Au dehors, le clair de lune me permet de voir suffisamment pour détecter une présence. En faisant toujours attention, je vais autour de la maison sans rien déceler. Une fois dans la maison, je rejoins Sylvia. « Je n'ai rien vu, rien entendu. Tu es sûr que ce n'était pas un prétexte pour venir dans mon lit ?»« Couillon, va. Je n'ai pas besoin de prétexte. Si j'ai envie, je viens. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais prendre des gants ?»« Allez, tiens, tu es trop bête. » fait-elle en se levant. « À tout à l'heure. » Au même moment, nous percevons tous les deux des vociférations assez loin et le bruit d'un moteur qui démarre. « Tu vois ?» dit Sylvia. « Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Ça va mal finir, tout ça. » Le lendemain, dès que je suis habillé, je fais le tour du bâtiment, l'œil au ras du sol, tel Sherlock Holmes. En voulant ouvrir la grange, je constate sur le sol deux empreintes rondes de 3 cm de diamètre environ, distantes d'une 60 cm. À cet endroit, la terre est souvent humide et plus meuble que le reste du terrain. Alentour, j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'autres traces. Je fais le tour des deux voitures garées dans la grange sans constater d'anomalie. Toutefois, j'ouvre avec appréhension la porte de la 403, m'attendant à ce qu'elle m'explose dans la gueule. Mais non, contact, démarrage, tout est normal. Par acquis de conscience, la voiture, une fois sortie de la grange, je me penche dessous pour vérifier l'état des durites de frein. On n'est jamais assez trop prudent. Je fais même un petit essai autour de la ferme et constate que la bagnole a un fonctionnement normal. « Sylvia, viens, on s'en bat.